allume en bois. J'ai grave du Frozen sur les doigts. À ma vie j'ai trouvé un sens. J'suis un gros bâtard malgré mon visage d'innocent. J'ai pas le temps, t'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as fait qu'est-ce qu'il y a? C'est nous les enfants pénibles. C'est nous les enfants pénibles. J'ai aucune concurrence, j'suis bon qu'à mettre des scores de tennis. En ville dans la vallée sous répondant. J'avais pas que la vie m'aidait des commandes. Merde. Pas encore en enfer, le studio c'est un sauna. Le studio c'est un sauna. Qui a mieux ennemi de Sisyphe? Aux îles quand je t'envoie la passe décisive. Loin des hommes gros je peux pas rester ici. Je suis pas en rap Simon, je suis en AD busy. Chérie pas je te plaît, n'arrête jamais la musique. Je suis pas là mais le trap fan est busy. Lève-toi imbécile. C'est toi qui décide. Je la récupère en gros, moi je fais pas le tour des pharmacies. Addict à la drogue, au Frozen et au Static Z. C'est moi le ballon d'or, mais bon, tu sais les statistiques. Je me suis noyé dans ses yeux, j'essaie d'apercevoir l'océan. L'argent, la paix, j'veux les deux. Mais pour l'instant, c'est le néant. C'est le néant. Si tu veux nuire à ma paix, dis-moi. Tu veux te refaire, tu prends 10 mois. J'suis dans mon délire, laissez-moi. Avalanche de rappeurs de merde. J'vais m'en occuper, laissez-moi. J'suis sur Titan comme un démon ailé. J'suis sur Titan, j'ai la coupe à Zélève. J'suis sur Titan pour compter mon bénéf. J'fais le son qui passera pas à la télé. Un démon dans une ruelle, on la grêle. J'fais couler tes larmes, fais pas tomber la grêle. Le ruinard est blanc comme un condé. J'veux le monde César, un empire il a fondé. Fils de putain, t'as rien à m'apprendre. Les billets, j'ai déjà comment les compter. Camus et le mythe de Sisyphe. Aux îles quand je t'envoie la passe décisive. Loin des hommes gros je peux pas rester ici. Je suis pas en rap Simon, je suis en AD busy. Chérie pas je te plaît, n'arrête jamais la musique. Je suis pas là mais le trap fun est busy. Lève-toi imbécile. C'est toi qui décide. Je la récupère en gros, moi je fais pas le tour des pharmacies. Je suis addict à la drogue, au Frozen et au Static Z. C'est moi le ballon d'or mais bon tu sais les statistiques. Je me suis noyé dans ses yeux, j'essaye d'apercevoir l'océan. Comme un démon ailé, je suis sur Titan, j'ai la coupe à Zélève. Je suis sur Titan pour compter mon bénéf. J'fais le son qui passera pas à la télé.